C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. C'est la chronique de la NCAA avec notre ami Wallet. Salut Wallet. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, on va parler quelques sujets d'actualité avant de commencer. Avant de parler des matchs de la semaine, on va parler d'abord, on va revenir sur le match LSU-Alabama. C'était un match qui a répondu aux attentes. Ah ouais, effectivement, là, ça a été du très très bon football. Là. Un match qui s'est joué un peu en deux temps, là, puisqu'on va se rappeler à la demi, c'était, si je me rappelle bien, 33-13 pour LSU. Beaucoup de gens disaient ce match-là est fini. Tua, il est blessé, il s'écroule encore une fois sous la pression. Mmh. Et on revient en deuxième demi, puis j'étais très content, là, même si Alabama a perdu, j'étais très content là, de voir que Tua est revenu relativement en force. Il a vraiment bien joué en deuxième demi, puis il s'est pas écroulé sous la pression. Il a donné une chance à son équipe de revenir dans ce match-là. Il finit le match avec 418 verges, 4 touchés, 1 interception. Je pense que ça va aider sa cote au prochain repêchage. Puis du côté de LSU, ben encore une fois, le joueur du match... Joe Burrow, c'est assez incroyable qu'est-ce qu'il fait cette saison. Puis j'en avais déjà parlé dans le passé. Puis pour ceux qui lisent mes articles, c'est une façon que j'avais déjà amenée. Aller battre Alabama sur la route en tant que QB numéro 1, surtout la manière qu'il joue, ça va augmenter sa cote, ça va augmenter sa valeur au repêchage. Moi, je suis persuadé qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont placer Joe Burrow comme leur corps arrière numéro 1 pour le prochain repêchage. Puis naturellement, en ce moment, le trophée Heisman, c'est à lui. C'est à lui de le perdre. Ouais. Bon, je pense qu'il est pas mal scellé, hein? Ouais, à moins d'une performance catastrophique ou d'une histoire qui sort d'un peu nulle part pour nous dire qu'il était impliqué dans un scandale ou qu'importe. Je pense qu'en ce moment, le trophée, c'est à lui de le perdre. Je m'attends pas à ce que personne d'autre le rattrape, spécialement de la manière qu'il joue, spécialement les adversaires qu'Alabama ont affronté cette saison. Plus spécifiquement, là, ce qui nous intéresse, c'est le match contre Alabama. 31-39 pour près de 400 verges, 3 touchés. Son pourcentage, son, comme qu'on appelle le QB rating, 92%. C'est exceptionnel. Ça a été un gros match pour lui. Il a fait beaucoup de passes de style qu'on appelle NFL. Moi, je pense qu'il a ouvert les yeux à bien des gens. Puis, un joueur que je voudrais pas qu'on oublie de parler, c'est le porteur de ballon de quatrième année, Clyde Edwards-Helaire. Il a fait des gros jeux dans ce match-là. Pour ceux qui ont regardé, là, on se rappellera là, sur des troisièmes essais et longs. On courait avec Edwards. On lui faisait des petites passes, puis il allait chercher la 7-8 verges que LSU avait besoin. Ça a été un gros match, puis je pense que LSU nous ont prouvé là, que ça va être une équipe à prendre au sérieux, puis à moins d'un changement de situation majeure, ils vont être en éliminatoire là, en fin décembre. Il n'y a aucun doute là-dessus, aucun doute. Mais si Alabama actuellement, si les séries seraient demain, Alabama serait, ou encore dimanche, Alabama serait sorti. Ouais, mais d'un autre côté, je pense que les placer aussi près que ça du top 4, ça l'ouvre aussi la porte à s'il y a d'autres équipes qui ont des embûches devant eux que Alabama pourrait se faufiler. Donc, je pense que ça va être intéressant. Je pense que on pourrait s'étendre sur le sujet puis avoir des arguments sur le top 4 actuel puis le top 10, mais il reste trois grosses semaines de college football, puis ça va être vraiment de voir là, comment que le comité va évaluer ces trois dernières semaines, spécialement les équipes qui vont jouer en finale de conférence. Alabama, on le sait, là, ils seront pas en mesure d'être dans une finale de conférence, étant donné leur défaite contre LSU. C'est LSU qui va représenter la fameuse SEC West. OK. On va y aller maintenant avec ce qui c'est... Je veux parler du garçon de Randy Moss. Je savais même pas que Randy Moss, son garçon, jouait pour LSU. C'est sûr que... Écoute, est-ce qu'il y a autant de talent que son père? je penserais pas. OK. Ça peut toujours exploser là, une fois rendu dans la NFL ou dans un système de jeu en particulier. Son gars, effectivement, Thaddeus Moss, c'est un receveur rapproché, un tight end. Ouais. Pour LSU, c'est pas un gros tight end. On parle d'un gars de 6 pieds 3, 250 livres. C'est plus petit là, que les 6 et 6 qu'on voit parfois dans la NFL. Je regarde ses statistiques là, en 2019. C'est 292 verges, un touché, 27 réceptions. C'est loin d'être mauvais. Ouais. Durant le match contre Alabama, il a fait une très, très grosse passe à la porte des buts sur un jeu qui était important. Comme qu'on se parlait là, avant d'enregistrer, l'avantage que lui a, c'est qu'il joue pour LSU. LSU joue dans des gros matchs. Les dépisteurs de la NFL regardent Joe Burrow, regardent les joueurs défensifs de LSU comme Grandel Pitt. Donc, quand tu fais des gros jeux comme qu'il a fait dans le match contre Alabama, ça peut ouvrir les yeux à certains recruteurs. Je m'attends pas à ce qu'il devienne un choix de première, deuxième ou troisième ronde, mais il pourrait devenir un joueur intéressant là, lors de la troisième journée du repêchage. Puis comme je disais... Garçon Randy Moss aussi, c'est pas mauvais. Ouais, effectivement, c'est sûr et certain qu'il y a des équipes qui sont encore en contact avec Randy Moss qui vont peut-être intéresser de rajouter son gars dans une équipe parce que veut pas, ça peut faire vendre des billets. Hein. Dire que le gars de Randy Moss a été repêché pour remplacer, exemple, Mason Rudolph avec les Vikings du Minnesota. Ça peut être vendeur. OK. Chase Young, c'est un joueur d'Ohio State, un joueur défensif d'Ohio State. C'est un secondaire. Il sera suspendu. Par contre, il joue contre. Donc, l'équipe joue contre, je pense, c'est Rodgers en fin de semaine. Fait qu'il n'y a aucun problème. Il devrait être là contre Penn State la semaine prochaine. Mais parle-moi pourquoi il a été suspendu. C'est ça. Ben avant de rentrer dans les opinions, je vais expliquer la mise en situation. En décembre dernier, Chase Young aurait demandé un prêt personnel à un ami de sa famille pour être en mesure de payer un billet d'avion à sa copine. Pour qu'elle puisse voyager de Columbus en Ohio pour se rendre à Los Angeles pour aller le voir jouer le fameux Rose Bowl. Donc, le prêt s'est fait. On parle d'un prêt d'environ 800 $ pour acheter le billet d'avion. Puis, de ce que je comprends, ça leur a été remboursé par Chase Young en avril dernier. Donc, moins de 5 mois plus tard, le billet aurait été remboursé. Puis, pour une raison que j'ignore, Chase Young aurait rapporté ça à l'université, qu'il avait demandé un prêt à un ami de la famille, puis qu'il l'avait remboursé. Puis, de ce que je comprends, selon les règlements de la NCAA, un joueur est en mesure d'accepter un prêt d'un ami, de la famille, quelqu'un qu'il connaît, si cette personne-là, c'est une personne qui est capable de prouver qu'il connaît. Qu'il connaissait avant de faire son adhésion avec l'université. Dans ce cas-là, c'est un ami de la famille qui est devenu un ami après qu'il ait signé pour devenir un joueur à Ohio State. Donc, on peut suspecter que cet ami-là est en réalité un booster pour l'université, là, quelqu'un qui est un gradué de l'université qui paye pour des facilités à l'université. Donc, le prêt aurait été à l'encontre des règlements de la NCAA. Donc, pour cette raison, Chase Young aurait dû en toute réalité être suspendu pour 4 matchs, mais étant donné que l'université a avisé la NCAA à propos de ce qui est arrivé, aussi dû au fait que Chase Young ait remboursé ce prêt, la suspension elle a été réduite de 4 à 2 matchs. Bizarrement, c'est probablement la partie de l'horaire la plus facile pour Ohio State, alors qu'il affrontait Maryland la semaine dernière, puis Rutgers la semaine prochaine. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Chase Young, on parlait beaucoup, beaucoup de lui comme un potentiel récipiendaire du trophée Heisman. Puis je pense qu'il y avait des chances réelles de remporter ce trophée-là, de la manière qu'il jouait. Honnêtement, je l'ai écrit souvent, c'est probablement le joueur défensif qui m'a impressionné le plus au niveau du college football depuis que je suis l'NCAA. Puis je trouve ça un peu intéressant là, que finalement on suspend un joueur défensif qui aurait pu gagner le Heisman quand il y a une lutte serrée pour le trophée. Je trouve que personnellement, le règlement est un peu stupide, là. Un moment donné, c'est pas. Oui, c'est un. Oui, il a brisé les règlements, mais on parle pas là, de la belle époque de Ed Dickerson avec SMU qui se faisait payer des véhicules puis qui était littéralement payé pour jouer au football. On parle d'un gars qui est en mesure de payer un billet d'avion pour sa copine pour qu'elle puisse aller le voir jouer au Rose Bowl. C'est tiré par les cheveux. Ben, je pense que quand on prend les circonstances puis le fait que ça a été remboursé, moi, je pense que ça prouve à quel point que la NCAA est une organisation qui est dépassée. Puis, j'ai de la misère à croire, pardon, j'ai de la misère à les croire quand ils disent que leur but, c'est le bien-être de leurs joueurs. Dans une situation comme ça, je trouve que c'est complètement ridicule. OK, on va y aller avec nos matchs de la semaine maintenant. Donc, le match de la semaine, moi, j'en retiens encore. Je retiens le match. C'est toujours ça, hein, avec le SEC. Georgia contre Auburn, ça, c'est le match, pour moi, le match de la semaine. Ouais, puis je pense que ça va être un bon match. Je pense qu'après le match qu'on a eu la semaine dernière à LSU Alabama, il y a beaucoup de gens qui sont comme ah, c'est pas aussi excitant, mais ça a quand même un impact assez intéressant quand on considère que Georgia sont classés quatrième, sont premiers dans la SEC de l'Est, puis Auburn sont 12e, mais sont troisième dans la SEC de l'Ouest. Donc, ça pourrait prouver à quel point que la SEC de l'Ouest est tellement dominante qu'ils sont en mesure de sortir fort dans ce match-là puis de remporter la victoire. Moi, je pense que ce qui va être intéressant à surveiller, on l'a vu là, depuis le début de la saison, Georgia, c'est plus l'offensive qu'on a connue dans les dernières années. Leur ligne offensive connaît des ratés. Le jeu au sol n'est pas aussi explosif qu'on l'a vu dans les 10 ou 15 dernières années. Oui, DeAndre Swift connaît des bons moments, mais il n'y a personne devant lui, pardon, pour bloquer ou ouvrir le jeu. Puis, je suis un grand fan de Jake Fromm, je pense qu'il va être un bon joueur dans la NFL, mais il a pas les receveurs de passe avec le talent devant lui pour être en mesure de compléter des gros jeux. Puis à l'opposé, du côté d'Auburn, leur défensive, surtout leur front défensif, les 7 joueurs de ligne, puis les maraudeurs, les linebackers, pardon, c'est un des meilleurs de la NCAA, avec un gars comme Derrick Brown, le gros numéro 5 en défensive. Portez une attention particulière à ce joueur-là, c'est un joueur qui va être dans la NFL l'année prochaine. Moi, je m'attends à un super de bon match, puis ça pourrait chambouler carrément le top 4 s'il fallait que Georgia perde ce match-là sur la route contre Auburn. Oklahoma, deuxième match. Oklahoma, c'est présenté à 19h30 demain sur ABC. C'est Oklahoma contre Baylor. Ça va être bon aussi. Ça, c'est un match Big 12. Ça, c'est un match Big 12. Ça, c'est un match que si tu as envie de t'asseoir devant ta télévision, de fermer un peu la switch, comme qu'on dit, puis de pas trop focusser sur les défensives, parce que je m'attends pas à beaucoup de défensives dans ce match-là. Gros match offensif, beaucoup de points qui vont être mis au tableau. On le sait, là, du côté de Oklahoma, ben Jalen Hurts continue de connaître une bonne saison pour eux. Je m'attends à beaucoup de passes pour lui, puis beaucoup de jeux au sol. Probablement là, près de 4 à 500 verges pour lui, puis 5 touchés combinés. Puis de l'autre côté, ben, t'as Charlie Brewer, qui est un carrière qui connaît une bonne saison, on va se dire. Il approche les 2500 verges, 16 touchés, 4 interceptions. Comme que je dis, là, attendez-vous un gros match offensif au Texas. Un match également que c'est pas nécessairement dans les plus grands matchs, mais c'est le fun de les voir. C'est Navy contre Notre-Dame. Navy, écoute, de voir que ce soit l'armée ou les forces de l'air ou encore la marine, c'est qui? C'est Navy. Navy ou les forces de l'air, c'est quand même assez rare de voir une des deux équipes ou même l'armée. C'est quand même de les voir dans le top 25, là. Ah, c'est le fun de les voir dans le top 25, puis il y a un petit côté historique, là. Une des raisons pour que Notre-Dame a encore une grosse rivalité avec Navy, c'est parce qu'à l'époque, la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des équipes de college football perdaient la grosse majorité de leurs joueurs qui, eux, se rendaient au front là, pour défendre leur pays. Puis Navy puis Army, eux, continuent d'avoir leur programme militaire pour développer leurs jeunes joueurs. Puis, ils étaient naturellement parmi les meilleures équipes là, dans les années fin des années 30, début des années 40. C'était des équipes qui remportaient le championnat national de façon constante à cause de cette raison-là. Puis, Navy continuait d'offrir une chance à Notre-Dame de jouer année après année. Après la guerre, Notre-Dame est devenu un des plus gros programmes aux États-Unis. Ils ont gardé la rivalité. C'est-tu pour ça que tu vas voir au début décembre, là, après la semaine après les matchs de championnat, là, du SEC, du Big 12, du Big 10, puis tous les matchs de championnat, il y a un match Army-Navy. Puis ça, c'est quasiment un classique. Est-ce que c'est pour ça? Ah, je peux pas dire si c'est à cause de la guerre, mais je pense que, de ce que je comprends, à l'époque, c'était deux équipes qui s'affrontaient de façon constante en finale du championnat. Donc, je pense qu'à toute logique, on veut offrir le dernier match de la saison entre ces deux équipes-là. On sait, les Américains, en général, sont assez patriotiques en fonction de leur armée, en fonction de leur marine. Donc, ça devient un match classique. Moi, je pense que je le placerais dans mon top 2 ou top 3 des plus grandes rivalités. Army-Navy, même si l'impact n'est pas aussi majeur, je pense que ça reste un match qui est vraiment spécial. Tu regardes ce match-là, puis c'est pas comme un match à Alabama-LSU, c'est complètement différent de ce qui se passe dans les estrades. Puis on peut en reparler dans un mois là, avant ce match-là. Mais juste pour terminer là, rapidement entre Navy et Notre Dame, vous allez le voir là, du côté de Navy, si vous avez jamais eu la chance de regarder un match, il n'y a pas beaucoup de gros joueurs dans cette équipe-là. Là, on se rappelle, c'est naturellement des militaires. Donc, même la ligne offensive, la ligne défensive, c'est des joueurs qui sont massifs, mais très, très athlétiques. Attendez-vous pas à avoir des lignes offensives, défensives dominantes, mais on est en mesure de contrôler le temps de possession puis de courir énormément match après match. Navy, en ce moment, court en moyenne pour 360 verges par match. C'est la première équipe au niveau du college football. Moi, je m'attends à un match chaudement disputé à Notre Dame. Je ne serais pas surpris d'une surprise que Navy soit en mesure de battre Notre Dame. Comme je dis, là, je m'attends à un duel assez serré. Je pense que ça va être du bon football. Mais à ta connaissance, là, l'armée, là, puis les Navy, puis les forces de l'air, est-ce qu'ils ont fourni beaucoup de joueurs à la NFL? Ils l'ont fait dans le passé, puis maintenant, là, je pense que le plus grand joueur de l'histoire sorti, je pense, de Army, c'était Roger Staubach, de Dallas. Mais sinon, là, ici et là, il y a des joueurs qui se font repêcher, mais le problème qui arrive, c'est qu'une fois que leur stage universitaire est terminé, les joueurs doivent donner, si je me rappelle bien, 4 ou 5 ans à l'armée. Donc, c'est 4 ou 5 ans qui ne peuvent pas jouer dans la NFL, à moins d'une dérogation spéciale. Puis, je me rappelle, là, il y a quelques années, le corps arrière de Navy, justement, j'oublie son prénom, son nom de famille, c'était Reynolds. Il avait signé un contrat avec les Ravens de Baltimore, puis l'armée, il avait donné une dérogation pour aller s'essayer. Je pense que c'est lui qui avait battu tous les records là, de Navy, puis il avait donné la chance. Finalement, ça n'avait pas fonctionné, puis Reynolds a tout simplement retourné dans l'armée pour finir son engagement. OK. Voilà, tout intéressant de parler. On s'en parle vendredi prochain. Parfait. Voilà du site internet, lebitsnfl.com.